Un numéro 4. 4, 4, 4. Nous prenons beaucoup de risques, mais pour autant, que nous aimons la guerre. Nous voulons participer à la guerre. Nous trouvons que c'est chouette, la guerre. La guerre. La guerre. Nous trouvons que c'est chouette, la guerre. Nous c'est chouette, la guerre. Parce qu'on est au numéro 4, on est protégé par la guerre. La guerre. On adore la guerre, on est protégé par des murs très solides et on fait la guerre avec des... La guerre. On est protégé, on peut faire la guerre sans sortir de notre maison. Oui, on a des boules de canon, on a des canons pour la guerre. Et nous voulons participer à la guerre, qu'elle dure très longtemps. Oui, on a des canons, on a des fusils pour notre guerre à nous. Guerre. On adore déclencher les guerres et les terminer. Oui, c'est vrai, on a des murs très solides pour la guerre. La guerre. On adore la guerre. On a des trous partout pour donner des canons, n'importe quoi sans qu'on nous voit. Parce que c'est la guerre. Et nous sommes aussi là pour défendre. Parce que nos murs sont aussi solides qu'on peut accueillir les gens. Comme même quand c'est la guerre. On adore la guerre. C'est au moins 3000 personnes qui viennent chez nous tellement c'est grand et que c'est solide. La guerre. On adore la guerre parce qu'elle est chouette. Surtout celle de nos pays. Parce que il y a plein de gens qui viennent chez nous, on adore ça. On fait plein de connaissances quand c'est la guerre. C'est pour ça qu'on aime bien la guerre. Vous avez entendu, il y a plein de gens qui viennent pour la guerre. On reçoit plein de gens, on fait plein d'amis. Parce des garçons et des filles. Protégés. De la guerre. Parfois c'est très chouette, parfois c'est pas chouette. Quand elle dure une heure, ce n'est pas très chouette. Mais quand elle dure des siècles, c'est hyper chouette. Parce que nous, on adore la guerre. Pourtant, on déteste quand tout est calme et qu'il se passe rien. On déteste ça, mais quand il y a la guerre ou des trucs qui bougent, on reste là. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire des tas de trucs sans qu'on nous voit. La guerre. On peut faire des boums, on peut tirer, on peut faire ce que l'on veut même quand c'est la guerre. Nous adorons la guerre. Mais la télé, tout ça, tout ce que les gens aiment bien, nous on les déteste. Mais tout ce que les gens détestent comme la guerre. Nous on adore la guerre. J'adore la guerre parce que c'est très chouette. Nous, on trouve que c'est chouette. Moi, ce que j'adore dans la guerre, c'est qu'on reste pas là, rien fait. À regarder la télé, à s'occuper de ses enfants, à les apporter. On peut sortir de chez soi sans vouloir rien quand il n'y a pas la guerre. Mais c'est pas chouette. Et quand on a des enfants, c'est encore moins chouette. Ils sont là toute la journée à regarder la télé au lieu de faire la guerre. Et nous, on est beaux des parents. La guerre, heureusement, la guerre. la guerre, notre enfant, il est malin. Il sait faire la guerre, il est galère. Et même si c'est un petit, il sait quand même tirer au fusil. C'est pas ça, nous sommes pas des parents sauvages. Mais ce qui est chouette, c'est que on protège. On protège des tas de gens.